Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Charles de Gaulle, l'homme du 18 juin. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Cet appel à la résistance du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, résume à lui seul un pan tout entier de sa vie, celui qui va toucher son combat pour la libération de cette France occupée de la Deuxième Guerre mondiale. Ce premier volet des deux émissions qu'on va consacrer à Charles de Gaulle va s'attacher précisément à décrire ce de Gaulle première mouture, le de Gaulle militaire, héros de guerre et chef de la résistance. La France est rassemblée dans une seule volonté et dans une seule espérance. La France tout entière, à la seule exception des traîtres. Eh bien, de même qu'ici, nous nous trouvons réunis, des milliers de Français, des milliers de Françaises, de tous les pays de chez nous, et dont la réunion donne comme une image de la patrie elle-même. De même dis-je que nous nous trouvons réunis côte à côte dans un même acte de foi sous le signe immortel de notre croix de Lorraine. Ainsi, soyons-en sûrs, la France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend, un seul combat pour une seule patrie. Charles de Gaulle, lors de son célèbre discours de l'Albert Hall de Londres le 11 novembre 1942, pour retracer les grandes lignes du parcours de ce géant du 20e siècle, je reçois Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, auteur, entre autres, de l'ouvrage « Relations particulières, la France face au Québec après de Gaulle ». Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. C'est un monument du 20e siècle, Charles de Gaulle, une figure historique très, très importante. Pourquoi et de quelle manière a-t-il été aussi important dans l'histoire de ce siècle, Frédéric Bastien? Oui, alors, de Gaulle, dans un des livres qu'il écrit dans les années 30, avant d'être connu, il cite Shakespeare et donc, dans cette citation, il dit « Être grand, c'est soutenir une grande querelle ». Et de Gaulle, ce qui fait de lui un homme, un grand homme, c'est vraiment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, le combat qu'il a mené dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il fait partie de ces chefs qui se sont illustrés dans ce moment absolument dramatique de l'histoire humaine et qui l'a vraiment propulsé au premier rang. Et comme tous les grands chefs de la Deuxième Guerre mondiale, de Gaulle a sa place. Et il l'a peut-être encore plus parce qu'il a eu une carrière après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'a pas été le cas de tous les leaders de ce conflit. Et donc, à ce titre-là, c'est vraiment ce qui lui a valu la place qu'on lui connaît. Ce refus de s'admettre vaincu qui va... Au fond, c'est la fierté française qu'il incarne quand il dit « la France ne se soumettra pas à l'ennemi ». C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ce que lui va appeler la grandeur, mais oui, ce qui est aussi une forme de fierté, on pourrait dire, une espèce d'idée, une image idéalisée de la France, une image de son pays qui ne doit jamais donc abandonner. Et oui, tout ça, évidemment, l'honneur, oui, tout ça va s'incarner. La France est un grand pays. La France n'est pas un pays comme tous les autres. Il y a vraiment quelque chose. Et la France n'abandonne pas, voilà. Ouais, ouais. Ces grandes idées, ces idées de grandeur, ces grandes ambitions pour la France, mais pour lui-même aussi, il va les nourrir très, très tôt, très jeune, Charles de Gaulle. Racontez-nous un peu quelle forme ça va prendre, comment va se manifester, comment se manifesteront ces idées de grandeur de Gaulle. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que de Gaulle est issu de la génération qui arrive après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, défaite française, création de l'Allemagne unifiée, et il y a cette idée de revanche, il y a cette idée de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, donc il y a un sentiment patriotique très fort qui existe à cette époque en France. Et le père de Gaulle est notamment instituteur. Il enseigne, entre autres, l'histoire. Il est un vétéran de cette guerre franco-prussienne. Sa mère est très patriotique. Et donc, rapidement, de Gaulle va développer ce sentiment lui-même. Et quand il était adolescent à l'école, dans une pièce de théâtre, à un moment donné, il va jouer le rôle du roi de France. Ouais. Et il s'imagine déjà à la tête d'une armée défendant la France contre l'Allemagne. Alors, c'est quelque chose qui est très, très... Écrire un texte, justement. Oui, c'est ça. Il se décrit, je pense qu'il appelle ça la campagne d'Allemagne, si je me souviens bien. Et là, il est à la tête d'une armée de 200 000 hommes et il se bat contre les Allemands. Donc, c'est là, très, très jeune. Oui, très, très jeune. C'est très présent déjà dans son idée. Et il est conséquent. Il va choisir, très jeune aussi, la carrière de militaire. Pourquoi? Parce que, justement, il y a cette idée que le relèvement de la France passe par un relèvement de l'armée. En 1870-1871, il y a cette idée que l'armée française n'était pas prête, qu'elle avait été négligée, délaissée par les autorités, etc. Et là, il y a une volonté de refaire de l'armée française une armée forte. Et donc, les ambitieux se tournent naturellement vers cette carrière militaire à l'époque. Ouais. C'est dans l'air du temps. Et de Gaulle est justement naturellement interpellé par cette carrière militaire. Ouais. Il va donc participer, il va faire les écoles militaires, il va se retrouver officier durant la Première Guerre mondiale. Comment ça se déroule, cette guerre de 14-18 pour de Gaulle? Mais pour de Gaulle, d'abord, il va être immédiatement mobilisé. Enfin, il n'est pas mobilisé, il est déjà en fait sous les drapeaux. Il va se porter au combat, il va être blessé à plusieurs reprises. Et en 1916, de Gaulle participe à la fameuse bataille de Verdun, qui va être une boucherie, la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale. Et il est capturé par les Allemands. Il va finir prisonnier de guerre. Donc, il va faire à peu près 2 ans dans les Stalags, les camps de prisonniers allemands. Et donc, il va terminer la guerre comme prisonnier. Il va tenter de s'évader à plusieurs reprises, tellement qu'on le met dans une prison spéciale pour les abonnés à l'évasion. Ouais. Et il va réfléchir sur le sens de la guerre, va donner des conférences, va essayer d'animer un peu ce temps de prisonnier. Il va apprendre, terminer son apprentissage de l'allemand. Et à la fin de la guerre, il est pessimiste. Il pense que le conflit n'est pas réglé, qu'il y a une fatigue qui amène les belligérants à cesser les hostilités. Mais il sent que la querelle fondamentale n'est pas encore réglée. Il va continuer dans sa réflexion sur l'art de faire la guerre, sur ce que devrait être l'armée française à la suite de cette Première Guerre mondiale. Puis là, c'est intéressant parce qu'au fond, il fait partie à ce moment-là des modernes. Il est en opposition avec sa hiérarchie supérieure. Quelle vision il a de Gaulle, justement, de cette menace dont vous parliez, puis de ce que doit être l'armée française et la manière de faire la guerre? Oui, alors, dans la Première Guerre mondiale, il y a eu de nombreuses offensives de l'infanterie contre les tranchées ennemies de part et d'autre qui ont mené à des boucheries. On ne réussissait pas à percer le front, la guerre était statique et les stratégies défensives se sont avérées plus souvent qu'autrement, nettement plus efficaces que l'attaque à tout prix, etc. Et donc, dans l'armée française de l'après-guerre, il y a cette conception défensive de la guerre qui prévaut, d'autant plus que la France a eu 1,4 million de morts. Donc, pour éviter une nouvelle saignée, donc on se portera pas à l'attaque. Tandis que de Gaulle et un certain nombre d'autres officiers dans d'autres armées ou en France ou ailleurs ont l'impression que l'arrivée du char d'assaut, des avions, vont redonner à l'offensive ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais l'efficacité de l'offensive va réapparaître dans le champ de bataille. Donc, de Gaulle prône une armée motorisée, moderne, avec une aviation, des forces de blindés concentrées, capables de percer le front ennemi, etc. Et il se heurte vraiment à l'hostilité de la hiérarchie militaire qui fait la sourde oreille devant de tels... Qui n'a pas pris ce virage encore à ce moment-là. Non, absolument pas. Autre élément d'opposition important, c'est la menace que pose Hitler. De Gaulle, vous l'avez évoqué, il apprend l'allemand, il parle très bien allemand, il a lu Mein Kampf, il voit cette menace qui gronde en Allemagne. À un moment où sa hiérarchie supérieure, mais les dirigeants européens souffrent, on peut le dire, d'aveuglement volontaire, laissent monter Hitler. De Gaulle, là-dessus, il est... là aussi, il est en opposition. Absolument. De Gaulle ne fait pas partie, il fait partie de cette poignée de personnes qui voient dans la menace allemande et ensuite la menace hitlérienne un grand, grand danger. Et il est d'autant plus placé pour le voir qu'au début des années 30, il devient secrétaire de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense nationale, qui est l'organe suprême des politiciens, des hauts gradés de l'armée qui discutent des stratégies, etc. Lui, il est un simple, il est vraiment dans un rôle subalterne, mais il voit des décisions que les Français prennent devant le réarmement allemand, et on devrait plutôt dire l'absence de décisions ou de mauvaises décisions qui sont prises pour faire face au péril allemand, tant au niveau militaire que politique. on est dans l'idée de l'apaisement. Mmh. Il faut faire des concessions, amadouer les Allemands, etc. Alors que tout ça a l'effet inverse, bien sûr, parce que chaque concession qui est faite à Hitler ne fait que le renforcer dans, son projet. Et de Gaulle, comme vous l'avez dit, a lu Mein Kampf. Et lui, pour lui, Mein Kampf, ce n'est pas du bluff, mmh. ce n'est pas... c'est à prendre au sérieux, mais les projets d'Hitler sont complètement fous, complètement de la folie pure et simple. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais il ne va pas faire ça, c'est beaucoup trop extrémiste. Lui, de Gaulle, dit, non, non, il l'a écrit, il faut prendre ça au sérieux, mais il est un des seuls à dire cela, et il est dans un rôle très subalterne à l'époque. Ça va changer, évidemment, parce que la Deuxième Guerre va effectivement être déclenchée. Il va participer à certaines opérations, de Gaulle, dans un premier temps, au début de cette Deuxième Guerre. Mais là où ça va changer, c'est qu'il va gravir les échelons. Et dès le 6 juin 1940, il sera appelé au gouvernement au titre de secrétaire de la Défense nationale et de la guerre. Et il décide, quelques jours plus tard, le 17 juin 1940, de partir pour Londres. Là, on arrive au cœur du sujet. Pourquoi et dans quel contexte il part pour Londres? Oui, alors d'abord, de Gaulle est fini par hériter du commandement d'une unité blindée dans la campagne de France de 1940. Il est un des seuls officiers français qui va s'illustrer dans le combat, mais il est appelé au gouvernement immédiatement après. Et son idée, c'est que la France doit poursuivre le combat avec l'Empire français comme base opérationnelle, si vous voulez. Et donc, c'est les pays africains, les colonies françaises. Voilà, exactement. Et dire oui. Les pays français qui ne sont pas occupés, finalement. Voilà, c'est ça. Alors, oui, la bataille est perdue pour la métropole, mais on a la flotte française, on a l'allié britannique, donc on doit continuer le combat. Ça, c'est la ligne que de Gaulle tente de faire valoir au sein du gouvernement. Et il l'a fait valoir contre Pétain. Et de Gaulle, un curieux retournement de l'histoire, de Gaulle était auparavant, dans sa carrière militaire des années précédentes, avait été un protégé du maréchal Pétain, etc. Les deux hommes étaient des amis, etc. Et là, il se retrouve cette fois-ci complètement opposé à son ancien mentor, si vous voulez. Pétain, lui, dit c'est l'armistice, voilà, on doit capituler. Et c'est la ligne Pétain qui va l'emporter. Et là, de Gaulle se dit, voilà, moi, je n'ai plus rien à faire en France, je dois quitter pour poursuivre le combat en Angleterre. Et c'est là qu'il prend le pari de partir en Angleterre pour essayer d'organiser une résistance française, non seulement contre l'Allemagne, mais contre le gouvernement de Pétain. D'en appeler, en fait, à cette résistance qui nous mène, je titrerai l'émission « L'homme du 18 juin », à ce fameux appel du 18 juin 1940. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ce discours-là, il est évidemment important et historique. Frédéric Bastien, pourquoi? Pourquoi c'est important dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, cet appel du 18 juin, et dans le propre destin de De Gaulle? Oui, le discours est important parce que, justement, c'est le projet gaullien qui est donc élaboré, rendu public, et il explique son cheminement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, il est un homme seul. Il n'est pas très connu encore. Et le discours va avoir de l'importance, je dirais, plus par la suite, puisque au moment où le discours est fait, il n'a pas un grand écho en France au moment des événements. Mais c'est quand même au sens où c'est le projet gaullien qui est mis sur la table que le discours prend de l'importance par la suite, de Gaulle trace la voie, donc la résistance, la restauration de l'indépendance de la France. Voilà donc sa mission à laquelle, évidemment, il ne va pas, il va toujours rester fidèle tout au long du conflit. Et ce discours-là, en fait, il sera répété. On écoutait celui de 42 au début de l'émission. C'est la même substance, c'est le même appel à la résistance et l'organisation de cette résistance. Voilà, exactement. C'est ça qu'il fera à partir de Londres. Quel rôle il va jouer dans cette période londonienne et quel genre de relation aura de Gaulle avec les Anglais, avec un Churchill, avec un Roosevelt aussi? On écoute Maurice Buckmaster, des services secrets britanniques chargés à l'époque du soutien à la résistance française. Il témoigne de cette relation difficile de Gaulle dans cette période anglaise à l'émission Présent en 1970. Quand on fait des opérations clandestines, il y a la nécessité absolue de ne rien dire à personne, sauf quand il est essentiel que cette personne sache ce que va se passer. Nous avions nos secrets, De Gaulle avait les siens. Les deux choses ne pouvaient pas marcher ensemble, c'est-à-dire que De Gaulle voulait tout savoir, et pour les besoins de la clandestinité, c'était essentiel que lui et ses sous-ordres ne sachent pas tout. Avez-vous l'impression qu'il vous en voulait beaucoup? Pas à moi personnellement, non. Il voulait absolument que la France se libère elle-même, sans l'aide d'autrui. Évidemment, c'était impossible physiquement parce qu'il n'avait pas d'avion, il n'avait pas de possibilité de faire des parachutages. Il dépendait des Anglais pour faire ça, c'est entendu. C'était un homme inflexible. Il ne se laissait pas influencer par des considérations autres que celles qu'il avait lui-même pensées. Alors, évidemment, pour les gens qui ont cette solidité de caractère, il est toujours difficile de travailler en amitié avec eux, mais on peut les admirer, on peut travailler avec eux, même si la souplesse et l'amitié qui en résulte est absente. De Gaulle n'est pas, manifestement, en écoutant cet extrait, n'est pas un homme facile. Ce sera, par ailleurs, très difficile pour lui à Londres, Frédéric Bastien. Comment ça va se passer pour De Gaulle avec les Anglais, avec un Churchill, par exemple, éventuellement un Roosevelt? Oui, c'est ça. Alors, il va y avoir plus de contact avec Churchill. Donc, c'est avec Churchill que ça va se passer le plus mal, mais même si ça ne va pas se passer bien non plus avec Roosevelt. Mais Churchill et De Gaulle étaient exactement pareils dans le sens où, voilà, ils ne faisaient confiance qu'à eux-mêmes. Ils avaient une idée extrêmement précise de ce qu'ils voulaient. Alors, quand ils étaient d'accord, ça arrivait parfois, il n'y avait absolument aucun problème. Mais dès qu'il y avait le moindre désaccord, alors il y avait des querelles, des engueulades. À un moment donné, même, il y a le traducteur de Churchill se met à lancer des insultes à De Gaulle lors d'un entretien. Et là, le traducteur se dit à lui-même, le traducteur de Churchill qui doit traduire en français, dit « Je peux pas dire ça au général De Gaulle ». Et là, il traduit quelque chose qui est en dessous de ce que Churchill a dit. Et Churchill se rend compte que la traduction n'est pas... Oui, qui parle français. Et là, il se tourne vers le traducteur et dit « It's not what I said, say it exactly as I said it ». Donc, dites-le exactement comme je l'ai dit. Et là, le traducteur était incapable de traduire les insultes que Churchill lançait à De Gaulle. Donc, des relations extrêmement tendues tout au long de la guerre. Une méfiance de Churchill à l'endroit de De Gaulle. Pourquoi? De Roosevelt aussi, mais pourquoi cette méfiance à l'endroit de De Gaulle? Pour ce qui est de Roosevelt, il voyait un peu De Gaulle comme un possible dictateur, un militaire qui allait tenter d'imposer un pouvoir dictatorial à la France pour des raisons vraiment incompréhensibles. Ouais. Roosevelt avait très, très mal saisi la vision politique de De Gaulle. Et pour Churchill, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, l'espèce de fait que De Gaulle ne voulait jamais faire de concessions. Et en même temps, il était très faible. Alors, alors pour Churchill, c'était, ben voyons, lui, il est dans une position de faiblesse. Et là, il me tient tête, mais qu'est-ce qu'il devrait me remercier de l'aider, etc. Mais De Gaulle demeurait inflexible. Donc, ça créait toutes sortes de tensions tout au long de la guerre. Paris. Paris outragé. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Charles de Gaulle, le 25 août 1944, à la libération de Paris, qui est accueilli en héros. Tout se tient, hein, ce que vous nous décriviez, ce de Gaulle à Londres, qui est demandeur, mais qui ne veut pas l'admettre. On l'entend, de Gaulle veut que cette victoire, que cette libération de la France et de Paris soit la victoire et la libération des Français, par eux-mêmes, par des Français, en tout cas. C'est important pour lui. Pourquoi? Oui, d'abord parce qu'il veut redonner confiance aux Français après cette défaite terrible de 1940 qui va vraiment mettre le glas il va mettre fin au rôle de la France comme grande puissance dans le monde. Et deuxièmement, parce que lui-même a besoin de rehausser son propre statut par rapport à ses deux alliés, donc anglo-américains, qui, au départ, à quelques reprises durant la guerre, ont voulu le remplacer par d'autres personnalités politiques françaises qui auraient été plus accommodantes. Alors, il y a eu tout un jeu qui a été fait par les Anglo-Américains à certains moments pour se débarrasser de De Gaulle ou pour le marginaliser. Et De Gaulle a besoin de montrer qu'il a l'appui de la France. Donc, lors de cette libération de Paris, il a besoin de montrer que c'est lui que les Français veulent. Il doit magnifier cette victoire pour imposer son propre pouvoir. Ouais. Face aux Anglo-Américains et aussi face aux communistes à l'intérieur de la France. Oui, parce qu'effectivement, le mouvement de résistance, on n'en a pas vraiment parlé. Il va participer, lui, depuis Londres. Il sera l'un des chefs de la résistance. Avec Jean Moulin, son fait rapidement, qui est, lui, en France, sur le terrain, et l'autre grand chef de la résistance. Mais il participe de l'organisation de cette résistance de Gaulle à partir de Londres. Mais dans cette résistance, il y a effectivement un fort mouvement communiste. On y revient. Et ça va donner, parce qu'à la fin de la guerre, de Gaulle est vraiment un héros national, il devient chef du gouvernement provisoire, et il y aura ce gouvernement. Un mot là-dessus, un gouvernement qui, Frédéric Bastien, sera influencé par ces communistes qui ont une réelle force. Le filet de sécurité sociale français, c'est un peu à ce moment, au moment de ce gouvernement, qu'il est mis en place. Absolument. Donc, De Gaulle va présider un gouvernement de gauche. Ouais. Ça sonne un peu bizarre. C'est un gouvernement de coalition, mais il y a une forte composante communiste. Il y a aussi la gauche non communiste. Et il va y avoir des réformes importantes qui vont être faites. Comme vous dites, la sécurité sociale se met en place à cette époque-là. Droit de vote aux femmes également, qui n'avait pas encore été donné aux femmes en France. Et les femmes, d'ailleurs, vont voter pour De Gaulle par la suite. Ça va bien le servir politiquement. Mais oui, il y a un certain nombre de grandes réformes qui sont mises en place jusqu'au départ de Gaulle en 1946. Mais pourquoi il part? Parce que De Gaulle est contre la nouvelle constitution qui est adoptée à cette époque-là, qui remplace la Troisième République, donc la Quatrième République. De Gaulle trouve que le pouvoir exécutif, donc le chef du gouvernement ou le chef de l'État, donc ce pilier-là, est trop faible, ouais, par rapport au pouvoir législatif. Il pense que les querelles des partis politiques vont rendre difficile le fait de gouverner la France, de prendre des grandes décisions. Et là-dessus, les événements vont lui donner raison parce que très rapidement, le pouvoir, justement, les gouvernements de la Quatrième République vont être des gouvernements très faibles, très instables, et ça va nuire extrêmement au régime de la Quatrième République. Oui. Il reviendra en 58, donc, avec ce pouvoir exécutif renforcé. Il aura cette fameuse Cinquième République quand il sera de retour au pouvoir. Et ce sera ce retour au pouvoir de Charles de Gaulle, l'objet d'une prochaine émission. Frédéric Bastien, merci beaucoup. Merci. Frédéric Bastien, je vous le rappelle, professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.